Je serai accompagné pour les prochaines minutes par Raymond Poirier. Salut Raymond. Salut Miguel. Alors aujourd'hui, t'es quand même thématique. Hein? J'ai vu tout le monde ou presque publier des photos de leur enfant qui retournait à l'école aujourd'hui, qui commençait. Et juste un an, tu nous parles d'école, d'éthique, technologie de l'information. T'es tellement dedans. Et non, c'est totalement par hasard. Totalement. Alors, effectivement, on parle de TIC et d'école. C'est la commission de l'éthique en sciences et technologies qui a rendu public tout récemment, eux aussi sont thématiques, un rapport sur l'utilisation justement des technologies de l'information et des communications dans un contexte scolaire. Donc, qu'en est-il? Comment devrait-on faire face à ces défis-là? Il faut dire qu'on en parle quand même pas mal au fil des médias, de certaines écoles justement qui disent, ben OK, il faudrait que les étudiants aient un iPad, aient un ordinateur portable. Il y en a qui le font déjà. Il y en a qui le font déjà. Il y a des initiatives qui ont été faites. Il y en a d'autres qui sont en projet. Bon, globalement, si on spécifie, là, quand on parle de TIC à l'école, dans le contexte de ce rapport-là, donc il s'appelle l'éthique et l'éthique à l'école, un regard posé par les jeunes. On parle de la tablette numérique, de l'ordinateur en classe, des tableaux numériques interactifs, d'utilisation des réseaux sociaux, des forums, d'Internet en classe, les MOOC aussi, donc les cours massifs en ligne, les applications Wiki de construction collaborative, etc. Donc, c'est vraiment très, très large. Et évidemment, la première chose, quand on parle des technologies à l'école, c'est de se dire, ben OK, il y a quand même des initiatives qui existent. Mm-hmm. Donc, le Québec n'est pas un désert en la matière, même au contraire, il y a quelques programmes qui fonctionnent. Est-ce que les tableaux blancs en font partie, par exemple? Les tableaux blancs font partie. Les tableaux blancs, ça, c'est peut-être plus la zone où on se demande si ça marche si bien. On rappelle que c'est quand même une initiative qui date de 2011, qui avait été introduite par le gouvernement du Québec. C'est un programme qui s'appelle l'École 2.0, la classe branchée. 240 millions de dollars qui étaient prévus sur 5 ans pour munir l'ensemble des classes au Québec d'un tableau numérique interactif, d'un ordinateur pour l'enseignement. Bon, pour l'instant, les bénéfices démontrés par la recherche sont une augmentation de la motivation scolaire chez les élèves en général. Reste à voir, évidemment, parce que l'ensemble du programme n'a pas encore été mis sur pied. Il y en a d'autres qui datent d'un peu plus longtemps aussi. Il y en a un qui est aux Compagnons de quartier, maintenant Collège des Compagnons, qui s'appelle ProTIC, qui a été mis en place en 97. Probablement le premier, d'ailleurs, dans le genre. Première cohorte, et ça marche encore aujourd'hui. Le concept est simple. Chaque élève utilise en classe son ordinateur portable qui est acheté par ses parents. Les élèves travaillent ensemble, en équipe, sur des projets interdisciplinaires. Or, un peu de la dynamique des cours magistraux. Ça a l'air que ça marche très bien. On dit que les élèves de ProTIC se classent généralement au-dessus de la moyenne en anglais, au-dessus de la moyenne pancanadienne, que leur taux de réussite est nettement supérieur également aux autres élèves au Québec. Donc, un programme qui a quand même fait ses preuves. Parallèlement, il y en a un autre qui a été, lui, initié en 2002. Donc, encore là, un autre programme de type pionnier, c'est l'école en réseau. Ça, c'est un projet d'innovation sociale et pédagogique qui visait à assurer la survie des petites écoles rurales en regard de la diminution du nombre d'élèves. On se rendait compte, c'est dans certaines municipalités éloignées, exemple en Côte-Nord, en Gaspésie, souvent on allait côtoyer les mêmes élèves tout au long du primaire, voire au-delà. Et donc l'idée, c'était de favoriser des échanges entre classes pour que des classes de, exemple, Petite-Vallée puissent collaborer avec des classes de la Côte-Nord, travailler ensemble sur des projets. Donc il y a un nouveau bassin d'élèves qui soit disponible, et c'était basé sur la visioconférence et le travail collaboratif. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, ils sont rebrandés, si on permet l'anglicisme, ils sont devenus l'école en réseau, et il y a 100 écoles dans 23 commissions scolaires qui participent au projet, donc ça roule beaucoup. Et évidemment, il y a aussi, depuis 2013, la tablette tactile en classe, 10 000 élèves au Québec qui l'utilisent. Donc ça, c'est un peu l'inventaire de ce qu'on retrouve en ce moment au Québec. Est-ce que le rapport, justement, nous approche un peu sur les défis qu'on retrouve avec ces technologies? Oui, mais en fait, le grand défi quand on parle de technologie, c'est toujours la notion de durabilité. On est face à un monde qui évolue très, très rapidement, et il y a toujours l'idée d'avoir le dernier gadget. Et donc, la question que lance d'emblée la commission, c'est de savoir, est-ce que... l'usage peut anticiper la justification de l'usage. Et dans ce sens, est-ce qu'on peut être certain, quand on commence à dire qu'on va utiliser massivement un outil, que ça va être véritablement le meilleur outil pour la situation, ou est-ce que c'était simplement le dernier outil disponible? Donc, d'une certaine façon, ce qu'on dit, c'est que pour une raison peut-être de coût, autant que pour une raison justement d'éviter d'investir dans des éléphants blancs, de plutôt s'assurer que la technologie est adéquate, répond aux besoins et a un impact réel avant nécessairement de se lancer à grande échelle. Donc, eux disent pas, on fait rien. Ils disent au contraire, on peut se baser sur des solutions qui sont pas mur à mur. Donc, une utilisation qui est ciblée, qui est ponctuelle pour commencer et tranquillement, mais pouvoir bien avaliser l'intérêt que représente cette technologie-là et tranquillement, ben, en étendre l'utilisation en se disant qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le dernier produit Mac, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le dernier format de tablette, mais qu'on peut aller chercher plutôt des options qui sont beaucoup moins coûteuses, des logiciels qui sont libres et des outils qui sont peut-être un peu plus datés, mais tout aussi efficaces, parce qu'à un moment donné, surtout dans un contexte de forum ou de logiciel éducatif, c'est pas non plus des endroits où qui sont aussi massifs au niveau graphique que des jeux vidéo, des choses comme ça. Donc, les besoins sont beaucoup plus restreints. Les besoins de navigation sont beaucoup plus restreints aussi. Donc, on peut se contenter de technologies peut-être un peu plus datées. Donc, ça, c'est une grande recommandation, là. Et on dit, ben justement, évidemment, que le ministère de l'Éducation, je cite, réalise ou commande des études rigoureuses pour démontrer l'efficacité pédagogique des applications avant de procéder à leur implantation grande échelle. Ça, c'est un premier défi. J'imagine qu'il y a un autre défi. Il y a quand même le cliché de l'élève qui connaît plus l'informatique que le professeur. Et tu as aussi évoqué les coûts. Je veux dire, c'est quand même deux facettes importantes là-dedans. Oui, ben en fait, il y a une notion de fossé numérique, si on parle des coûts en premier, qui se creuse entre, d'une part, ceux qui ont accès aux technologies puis ceux qui n'ont pas accès aux technologies dans le contexte scolaire. Donc, d'une école à l'autre, la commission à l'éthique et aux technologies dit, ben regardez, il y a quand même déjà présentement une certaine iniquité. Donc, tout le monde n'enseigne pas de la même façon avec les mêmes outils, avec les mêmes objectifs. Et même à l'intérieur de ces cohortes-là, si on dit, par exemple, on peut prêter des appareils, mais l'étudiant à qui on prête un appareil, est-ce qu'il ramène chez lui ou est-ce qu'il l'a juste pendant le cours? L'étudiant qui amène son propre appareil, lui, il l'a chez lui, lui peut poursuivre son enseignement. Donc, ça change un peu aussi la donne à ce niveau-là. Donc, il peut avoir un certain clivage qu'on dit entre les riches et les pauvres, entre les écoles publiques et les écoles privées. Donc, il y a une pression financière, évidemment, sur les milieux, sur les familles qui est liée à l'utilisation des technologies. Et parallèlement, évidemment, on part aussi du principe que toutes les méthodes ne sont pas nécessairement les bonnes pour tout le monde. Donc, il y en a qui vont peut-être bien répondre à l'utilisation de ces méthodes-là, mais d'autres pour qui ça va peut-être moins les rejoindre également. Donc, encore là, on évite une approche mur à mur. On dit que l'équité, évidemment, ça requiert pas le même matériel pour tous, mais ça exige des conditions d'apprentissage qui sont équivalentes pour tout le monde. Alors, la question, c'est de voir, ben, de quelle manière on peut les implémenter. Donc, est-ce qu'on prête? Si on prête, ben, évidemment, ça permet aussi à d'autres d'en avoir, mais ça veut dire simplement qu'il faut adapter les travaux à la maison qui doivent être faits, par exemple, sans les outils technologiques. Donc, simplement des périodes de laboratoire. Est-ce qu'on doit diviser peut-être les périodes de laboratoire technologique avec d'autres périodes de cours, favoriser une mixité d'enseignement, etc. Donc, faut organiser cet élément-là. Parallèlement, mais faut aussi développer les compétences des jeunes, parce que tous les jeunes, tu disais, les professeurs parfois en connaissent moins que les jeunes, mais dans les jeunes, il y a aussi une gradation. Ceux qui savent et ceux qui savent pas, ça a toujours été comme ça, remarque, en termes d'informatique. Il y en a que ça intéresse plus. Mais d'emblée, ça veut dire aussi qu'il faut, selon la commission, intégrer rapidement des formations sur les technologies et intégrer rapidement les technologies dans le cursus éducatif. Et en parallèle, accompagner les enseignants pour les former à l'utilisation de ces outils-là, pour qu'ils puissent bien les utiliser en classe et aussi ben, les comprendre de manière adéquate, de manière viable. Donc, il y a cet élément-là. Et évidemment, ben, à ça, on rajoute aussi des questions quant à la, je dirais, un certain contrôle, peut-être, parce que reste qu'Internet, c'est aussi une jungle. Ben oui, ben ça, je me demandais, parce que depuis le début qu'on parle de technologie, les téléphones, iPad, on dit, ouais, mais là, les gens vont profiter pour aller juste sur Facebook, ils écouteront plus les cours. C'est abordé dans le rapport? C'est abordé assez longuement aussi. Et beaucoup de questionnements en lien avec ça, évidemment. Ce qu'on dit, c'est, ben, d'une certaine façon, il faut tenir compte des dérives qui peuvent être entraînées par les technologies. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter peut-être l'interdiction pure et simple de l'usage ou de sites web, exemple. Personne ne peut aller sur Facebook parce que d'un côté, ben l'interdiction rend la chose plus alléchante peut-être un peu, donc on risque d'envenimer le problème. Donc ce qu'on propose, c'est d'avoir un métissage entre des règles de comportement, des règles de bien-être et en parallèle, mieux autodiscipliner les étudiants. Ce qu'on dit, c'est que d'une certaine façon, faut pas nécessairement que former les jeunes à la technologie, mais il faut former les jeunes à la culture qui est liée à la technologie. Donc, c'est quoi les impacts d'Internet? C'est quoi la nature de la bête? Comment ça marche? C'est quoi les enjeux? Etc., etc. Parce qu'on dit, c'est sûr, en fait, il y a même une page pleine avec... ils ont identifié quand même plusieurs dérives qui font sens. On dit notamment que si on a toujours accès à l'information sans effort, ben quelle valeur va avoir cette information-là? Est-ce qu'on va être en mesure aussi de bien confronter les informations entre elles? Ou est-ce qu'on va donner un crédit égal à un peu toutes les informations tant qu'elles sont référencées? Donc, ce qui n'est pas nécessairement un gage de qualité. On le connaît, on le sait avec Wikipédia, pour quiconque maîtrise un domaine, on voit rapidement les failles dans ce type d'outil-là. Évidemment, ça peut augmenter le risque de plagiat, la banalisation du plagiat, des distractions, évidemment, pendant les cours, capacité peut-être même sur la mémoire qui sont évoquées, dépendance, évidemment, un effet négatif sur le développement social des élèves, la cyberintimidation qui pourrait même avoir lieu pendant les cours. Donc, on dit qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux, mais ces dérives-là ne doivent pas clouer le cercueil des technologies, mais encourager l'adaptation des pratiques pour en diminuer les effets négatifs. Quand même un portrait assez, je dirais, assez complet en général. Est-ce qu'il y a des propositions, des solutions? Je ne sais pas si on va jusqu'à là. Oui, mais enfin, on a quand même une dizaine de recommandations, peut-être en lien avec les défis, pour voir un peu la nature de la bête. On dit notamment, justement, qu'il faut mettre en contact les élèves tout au long de leur parcours scolaire. Et comme je le disais, pas se limiter aux aspects techniques, mais aux enjeux éthiques et aux conséquences sociales, aux aptitudes qui sont liées aux technologies. De sensibiliser les jeunes à la nature, aux conséquences du plagiat, que les établissements d'enseignement appliquent les sanctions identiques, que la formation soit régulièrement offerte aux enseignants, etc., etc. Mais de manière générale, donc, ce qu'on dit, c'est que les technologies sont là. On se doit peut-être de les comprendre, de les analyser et de les utiliser, parce que de toute façon, c'est déjà là où les gens se trouvent, que c'est déjà des outils qui sont utilisés. Maintenant, la question, c'est de voir de quelle manière peuvent-ils s'adapter au contexte d'enseignement, de quelle manière bien évaluer leur usage dans le contexte d'enseignement. Et comme on le disait, mais ça revient à un usage progressif, à des études, à des analyses, à l'encouragement d'initiatives ciblées, mais pour lesquelles il va y avoir une bonne rétroaction, pour éventuellement en arriver à bien cibler les éléments qu'il faudra mettre en place de manière un peu plus large, mais en sachant qu'est-ce qui a été fait, puis en étant certain, avant d'investir des montants fort importants, bien justement que ça aura les effets désirés. Mais ça, on n'a pas fini d'en parler, j'imagine, parce qu'en plus, les technologies vont évoluer elles aussi. Donc, il y aura d'autres questions qui vont sûrement venir. Oui, et si les gens veulent consulter leur rapport, ben, en fait, simplement, dans votre outil de recherche, mettez l'éthique et l'éthique à l'école et commission éthique technologie. Vous allez le trouver très, très rapidement. C'est probablement même plus simple que de rentrer l'adresse au complet. Raymond Poirier, merci. Ça fait plaisir.